Oui, on va probablement encore se faire traiter de cheerleader de Régis Labeaume. Mais moi, ça fait tellement longtemps que je rêve d'un politicien qui casse les syndicats et l'empire syndical du Québec. Je peux juste dire merci à matin. Je sais pas combien de temps ça va durer. Si on voyait ça dans une nouvelle, là, mettons, je sais pas, moi, dans le Detroit Free Press, là, le maire de Detroit. On trouverait ça brillant, hein. Hey, là, on trouverait ça. D'ailleurs, hein? Ben oui. Ah, ouais, là, on trouverait ça. On prendrait la nouvelle, là, puis on dirait, hey, avez-vous vu ça? Au Detroit, New Jersey! Ouais, c'est ça, hein. On dirait, regardez ça, là, le maire, ce qu'il fait, là, le plancher d'emploi, c'est terminé, ça nous en prendrait de même. Bon, non. Non. Pensiez-vous que ça allait se faire sans marde? Pensiez-vous que les syndicats allaient se laisser faire et qu'ils traîneraient pas ça en cours? C'est sûr qu'il y a des conséquences à ça, mais il faut que quelqu'un le fasse à un moment donné. Je suis content que ce soit à Québec que ça se passe en passant. Là. Exactement, exactement. On va continuer dans le thème la bombe sur la coche en parlant de l'écolobus. Ben là, tu sais, sur l'écolobus, hier, il a répété un peu tout ce qu'il a dit à l'intérieur même de l'écolobus lors de son relancement. Oui, parce qu'on était là. On a fait un tour, mais hier, il est allé un petit peu plus loin hier, je trouve, que pendant la ride d'écolobus qu'on avait faite avec lui lors de la relance des écolobus. Souviens-toi, un écolobus plein à craquer de journalistes, il y avait la bombe, toi, moi, Raymond Dion qui se forçait pour rire, alors que Régis Labeaume était pas loin de dire que Raymond Dion était dans le champ gauche depuis des années. Oui. Puis là, c'était de voir les journalistes du Soleil et de Radio-Canada qui ils voulaient tellement que ça marche, puis ils voulaient faire dire à Labeaume qu'il allait en rajouter d'autres. Non, c'est... Mais hier, Labeaume a réagi à l'autre dossier du Journal de Québec sur les problèmes encore avec l'écolobus. Ça brise encore 7 fois par mois. Mm-hmm. Ça a coûté 15 millions depuis 2008 de faire rouler ces cochonneries-là. Moi, t'as le cité, là. Il est cité dans le journal le matin, là. Le maire Labeaume m'a dit, l'écolobus, c'est un désastre. C'est pas la première fois qu'on le dit. On va calculer si on n'est pas mieux de les envoyer à la dompe. On va voir. Et ça, d'ailleurs, il y a à peu près un an, il y a un écolobus qui a fait être envoyé dans une dompe. En cachette. En pleine nuit. Oui. Un commando. Il y a un auditeur qui nous avait averti de ça. La ville avait appelé le remorqueur, là, puis c'était avait dit, drôle, ça. Envoyez-moi l'écolobus à la dompe en pleine nuit pour être bien sûr que les médias voient pas ça. Et l'écolobus avait été détruit dans une shop de démolition sur la côte de Beaupré. Mais on l'avait su pareil. C'est ça, c'est ça. Oui. On l'avait su quand même. Donc, le maire Labeaume qui parle d'envoyer les écolobus restants à la dompe. La durée de vie va se terminer en 2015 là, pour les écolobus. Veux-tu faire rire la gang qui écoute le show du matin? Oui, donc. Est-ce que t'as la déclaration de Démocratie Québec pas loin concernant les écolobus? Démocratie Québec, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je pense que t'es sur le bon texte. Va dans l'avant-dernier paragraphe. Le candidat de Démocratie Québec a rappelé que les techniciens au RTC avaient travaillé très fort pour améliorer le comportement du véhicule. Continue. On l'a adapté pour nos conditions, a fait valoir Monsieur Paquette. Le produit, on le connaît, il est presque parfait. Il commence vraiment à bien aller. On pourrait peut-être faire des économies dans le futur parce que la technologie s'améliore. C'est un produit presque parfait. Tu sais quoi le problème? Là, vois-tu, en 2015, je veux dire, ils arrivent à la fin de leur durée de vie. Là. Ouais.